a très très longtemps, les Noirs furent capturés en Afrique, embarqués de force dans des bateaux vers une destination inconnue, l'Amérique. Ce fut le début de la traite négrière qui donna naissance à l'esclavage. Je rends donc hommage à ce grand personnage hollandais, John Newton, qui fut le premier à prendre conscience de cette dérive humaine. Il composa Amazing Grace, grâce infinie. Je me souviens de Rosa Parks dans ce bus qui déclencha la révolution des Africains américains. On se souvient de cette longue marche We Shall Overcome de Martin Luther King. On se souvient de ce Yes We Can de Barack Obama qui le propulsa dans le fauteuil de la Maison Blanche et qui devint le premier président noir des États-Unis. N'oublions pas, bien sûr, nous ne pourrions pas tous les citer. Toussaint Louverture, Malcolm X, Nelson Mandela, Aimé Césaire, Myriam Makeba, et j'en passe.